savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. C'est à toi, au Pallas Athénée, ô déesse, que je consacre ces lauriers olympiques. Et comme tu m'as protégé, protège, ô déesse, cette cité qui porte ton nom. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, 17 ans déjà que j'ai le bonheur de rencontrer chaque samedi matin les auditrices et les auditeurs de Concordance des temps, dont la fidélité rejoignant la confiance de France Culture a permis cette pérennité. Laure Adler en avait eu l'idée et je lui en demeure reconnaissant. Pour inaugurer cette nouvelle saison, j'ai pensé que l'écho encore fort des derniers Jeux Olympiques de Rio incitait à aller chercher dans l'Antiquité grecque des précédents qui sont marqués par des similitudes étonnantes. Les compétitions du stade ont pris, dans la civilisation hellénique, une dimension collective, à la fois politique et culturelle, qui a dépassé de beaucoup le simple domaine des divertissements populaires. L'athlète y est devenu très tôt une figure sociale majeure, entourée de passions auxquelles celles d'aujourd'hui n'ont rien à envier. Autour de lui foisonnent des réactions et des interrogations qui nous sont familières. Elles concernent les chauvinismes nationaux exaltés jusqu'à leur portée militaire, les énormes sommes d'argent impliquées avec les tentations de la corruption, la méfiance et le dédain de certains intellectuels contrastant avec l'adhésion de nombreux littérateurs, et jusqu'à la sexualité des sportifs, et jusqu'à la question des divers procédés alimentaires destinés à les aiguillonner. Mon invité, Jean-Manuel Roubineau, maître de conférence à l'Université de Rennes 2 et à l'Université libre de Bruxelles, vient de publier un maître-livre consacré aux plus illustres des héros du stade, le prodigieux Milon de Crotone, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui a accumulé le plus extraordinaire palmarès sportif de l'histoire. En parlant de lui, dont la force fut gigantesque, on éclaire tout un monde. Un garçon de cette envergure, vous n'avez même pas idée. Quand elle voit sa musculature, les plus prudes ont l'air décidés. Il est fort et grand, quel athlète, c'est une muraille de chair. Alors vous pensez que dans sa tête, son cerveau rudimentaire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas. L'endroit atrophié, l'endroit qui a pas le pot, ce n'est pas du tout le cerveau. Quand il va se faire faire des costumes, les tailleurs se mettent en droit pour ensevelir son volume sans qu'il ait trop l'air à l'étroit. Quand il prend ma main dans sa patte, je prie Dieu qu'il serre pas trop. Alors vous pensez technocrate que son talon d'Achille est en haut. Eh ben pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas. L'endroit qui est léger, l'endroit qui est pas haut, ce n'est pas du tout le cerveau. À lui seul, c'est une pléiade. Quand quelqu'un lui cherche les poux, il les réduit en marmelade, rien qu'en leur caressant la joue. Nous les femmes, ça nous met en transe quand on voit ce monstre bouger. Alors vous pensez que la carence doit être au niveau des idées. Bah pas du tout, et pas du tout, et pas du tout, pas du tout. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas. L'endroit sacrifié, l'endroit qui est zéro, ce n'est pas du tout le cerveau. La moindre petite amazone voudrait l'avoir comme étalon. Toutes les Dalilas de la zone rêvent d'en faire leur Samson. S'il se refuse à les séduire, s'il n'est pas coureur de jupons, et n'allez pas pour autant déduire qu'étant fort et grand, il est con. Eh ben pas du tout, et pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas. Et l'endroit qui est raté, l'endroit qui est pas beau, ce n'est pas du tout le cerveau. Il est, si j'ose dire, au niveau transitif, en un mot, c'est un sportif. Jean-Manuel Rubino, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé une chanson qui s'intitule, ce n'est pas une surprise, L'Athlète, une chanson de Serge Lama pour les paroles et d'Alice Donna qui l'interprète aussi pour la musique, une chanson de 1977. Dans cette masse de chair, de puissance, de virilité, est-ce que vous retrouvez votre cher Milon de Crotone ? D'une certaine manière, oui. Il y a effectivement l'idée de la masse corporelle dans les descriptions qui sont faites du corps de Milon, qui était un athlète extrêmement imposant puisqu'il pratiquait ce qu'on appelait à l'époque un sport lourd, la lutte, qui était une discipline réservée aux athlètes les plus massifs, les plus grands, les plus musculeux. Vous pensez qu'on peut faire un rapprochement avec Teddy Riner ? Ça a même, je crois, déjà été fait récemment. Mais oui, on est dans un athlète qui probablement était dans des proportions assez proches, sans doute autour de 2 mètres ou au-dessus, et sans doute autour de 120 ou 130 kilos. Oudouillet, je rappelle que Teddy Riner a eu la médaille d'or du judoka à Rio. Oui, il a remporté, je ne sais plus, son troisième titre olympique dans la catégorie des poids lourds au judo. Donc, d'une certaine manière, oui, ils sont comparables. Ils sont comparables, à ceci près que Milon de Crotone a remporté 7 titres olympiques consécutifs et que Teddy Riner n'en est qu'à 3. Alors, il en faut 4 de plus. Racontez-nous un peu qui est ce Milon de Crotone. Est-ce qu'on a les moyens, grâce à la documentation, de connaître vraiment ce qu'il fut, ce qui a été son destin, de comprendre ce qu'a été cet itinéraire prestigieux, prodigieux, qui a été le sien? Alors, on sait très peu de choses sur la personne privée de Milon. En revanche, on arrive relativement bien à saisir les éléments de sa carrière athlétique et aussi sa carrière extra-athlétique, et notamment son activité religieuse et son activité militaire. Donc, ce qu'on sait concrètement, c'est qu'il a accumulé à la fin du VIe siècle, durant le dernier tiers du VIe siècle avant Jésus-Christ, le palmarès olympique, et pas seulement olympique, sportif plus généralement, le plus, je dirais, développé de l'histoire de l'Antiquité. Ce qui d'ailleurs lui a valu d'être considéré par les anciens jusqu'au Bas-Empire, jusqu'à la fin de l'Antiquité, comme le plus célèbre de tous les athlètes. On en parle encore dans les textes de l'époque byzantine, à très grande distance. Nous sommes à peu près à la même distance de Philippe Auguste que ces derniers auteurs qui en parlent, ce qui montre que le mythe se mélange toujours évidemment à la connaissance précise de ce qui fut. Son nom a résisté à l'oubli, il appartient à ce petit groupe d'athlètes de l'Antiquité, qui d'ailleurs pour la plupart d'entre eux ont vécu et ont prospéré au 6e ou au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il appartient à ce petit groupe d'athlètes qui sont rentrés dans une forme de panthéon sportif antique jusqu'à la fin de l'Antiquité, et effectivement jusqu'à l'époque byzantine. Crotone, c'est une ville prospère qui est au sud de la péninsule italienne, à l'endroit où la botte se fait semelle. Absolument, vers la Calabre. Cet homme qui a un palmarès impressionnant, on est comme dans la chanson, il n'a pas pour autant un cerveau qui sonne creux. Il y a les relations avec un autre personnage très prestigieux, qui est Pythagore, qui arrive à Crotone à la même période et dont il épouse la fille. Oui, il va épouser une des filles de Pythagore, surnommée Muia, la mouche. Et effectivement, les deux hommes se sont bien connus, puisque Milon a fait partie de la communauté pythagoricienne. On parle parfois de secte pythagoricienne. En tout cas, Milon en a été un élément actif, et il a probablement relayé les idées de Pythagore, à la fois les idées religieuses et les idées politiques, auprès de l'assemblée des citoyens de Crotone. Pythagore, ce n'est pas seulement un mathématicien, c'est un philosophe au sens où on l'entend, ou un physicien au sens où on l'entend à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc un scientifique, et qui par ailleurs a réfléchi à la question des rites, des pratiques religieuses, et qui a fondé une communauté qui était à la fois effectivement une communauté de type scientifique et philosophique, et de type religieux. Quelle est la philosophie de Pythagore ? Alors c'est difficile de la résumer en quelques mots, mais un des traits les plus caractéristiques de cette communauté, c'est d'avoir très largement rejeté le principe du sacrifice sanglant, et d'avoir notamment fait le choix d'une diététique essentiellement végétarienne. En tout cas pour les membres de la secte qui étaient les plus avancés dans l'initiation pythagoricienne, c'est-à-dire ce qu'on appelait les philosophes. En dehors de ce prodigieux palmarès sportif dont nous allons reparler évidemment au cours de cette conversation, Jean-Manuel Rubino, votre Milon de Crotone a un rôle religieux et un rôle militaire, ce qui me paraît important à souligner. On lui a effectivement confié une prêtrise, qui est une prêtrise d'Héra, qu'il a très certainement accomplie à la toute fin de son existence, au terme de sa carrière sportive, puisqu'il est, il est décédé peu après la fin de sa carrière sportive. Donc oui, il a été prêtre d'Héra, ce qui est en soi un indicateur de la place qui était la sienne dans la société de Crotone, parce qu'il fallait appartenir à l'élite sociale de la cité pour pouvoir gérer ce type de sacerdoce. Et puis, il a effectivement aussi eu des responsabilités militaires. Et on lui en connaît notamment une particulière, qui est d'avoir dirigé la phalange, l'armée de sa cité, Crotone, dans la guerre qu'il a opposée à la cité voisine de Sybaris. Ah, Sybaris, les Sybarites, parce que les gens de Crotone affirmaient que les gens de Sybaris se vautraient dans la turpitude, dans le lucre et la fornication. Absolument, il y a un mythe sybaritique qui a probablement été construit par les historiens de Crotone après la victoire de Crotone sur Sybaris en 511-510 avant Jésus-Christ. Diodore de Sicile, longtemps après, crédite Milon d'un rôle déterminant dans la bataille. Il écrit « Sybaris lança contre les Crotoniates, lança 300 000 hommes. En face, Crotone n'en aligna que 100 000, sous les ordres de l'athlète Milon, qui, grâce à sa force sans égale, provoqua le premier mouvement de fuite dans les rangs adverses. Cet homme, six fois vainqueur à Olympie, aussi brave guerrier qu'il était bon athlète, s'avança au combat, dit-on, ceint des couronnes olympiques et portant les attributs d'Héraclès, la peau du lion et la massue. Auteur de la victoire, il suscita l'émerveillement de ses concitoyens. » Donc il y a à la fois effectivement le rôle militaire et le rôle religieux, puisque Héraclès est un des dieux dont Milon, en quelque sorte, porte les attributs. Oui, Milon s'est fortement identifié à Héraclès, il lui a été régulièrement comparé, et d'une certaine manière, ce sont des figures qui sont symétriques. Ce qu'incarne Héraclès dans le monde divin est très très proche, par certains aspects, de ce qu'incarne Milon dans le monde des humains. Si on veut s'arrêter un instant sur le prodigieux prestige d'un homme comme Milon, on peut évoquer une des odes de Pindare, qui est un grand poète contemporain, consacré d'ailleurs à un autre athlète, mais le contenu pourrait s'appliquer aussi probablement à Milon de Crotone, vous allez nous le dire en tout cas. C'est une lecture de Julien Berthaud sur France Culture le 5 octobre 1968. Ode de Pindare. Oh Zeus, oh Père, et gardant hors d'atteinte le bonheur de ce peuple, fais souffler en poupe le vent qui dirige le destin de Xénophon. Accueille la pompe solennelle de ses couronnes, qu'il ramène des champs de Pise, vainqueur à la fois au pentathle et à la course du stade, victoire telle qu'aucun mortel n'en remporta jamais avant lui. Il s'était déjà deux fois couronné des guirlandes d'âches lorsqu'il avait paru aux Jeux ismiques. Némée ne lui fut pas moins favorable. Et son père Thessalos prouva sur les bords de l'Alphée la puissance de ses jarrets. À Pytho, durant un seul orbe du soleil, il conquit l'honneur du stade et celui du diôle. Dans le même mois, près des rocs d'Athènes, le jour consacré aux courses de vitesse, posa sur sa tête trois magnifiques couronnes. Aux îles Lossies, il est sept fois vainqueur. Quant aux solennités maritimes de Poséidon, si j'entreprenais de raconter les exploits qu'il y accomplit avec son grand-père Ptoéodore et Terpsios et Érythime, mes chants s'engageraient sur une route trop longue. Quant à vos exploits de Delphes ou de la plaine du Lion, je mets au défi plusieurs familles réunies de s'en remémorer une foule pareille. Je ne saurais pas plus les dénombrer que les galets de la mer. Qu'est-ce que c'est, Diol, Jean-Manuel Roubineau? Le diol, c'est une épreuve qui est en fait une course rapide, qu'on appelle parfois aussi du nom de double stade. Ça consiste en un 400 mètres, mais à la différence du 400 mètres moderne qui se déroule sur un anneau, le 400 mètres antique se déroule sous la forme d'un aller-retour. 200 mètres dans un sens, 200 mètres dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le diolos, parce que le terme désigne originellement une double flûte. Alors il faut que nous conduisions votre Milon de Crotone, cet extraordinaire athlète, jusqu'à sa fin. Comment est-il mort? Comment a-t-il terminé sa période au moment où ses muscles commençaient de s'affaisser d'après certains de ses adversaires? Le récit légendaire de sa mort prétend qu'il serait mort pour avoir essayé d'ouvrir, d'entrouvrir, de finir, de fendre un chêne avec ses seules mains. Il serait resté coincé dans cette souche et se serait retrouvé dévoré par une meute de loups. Ça, c'est ce que dit la légende. Et puis, il y a les circonstances plus probables de sa disparition. Une guerre civile qui a opposé la communauté pythagoricienne à Crotone à un parti opposé à ces pythagoriciens. Guerre civile qui se serait notamment manifestée par un incendie criminel dont aurait été victime une partie des pythagoriciens, parmi lesquels Milon de Crotone. Ce destin est marqué par un certain nombre d'exploits formidables, probablement également légendaires. On dit que personne ne pouvait l'obliger à plier son petit doigt. On dit qu'il était capable de faire éclater un bandeau autour de sa tête uniquement en forçant sur ses veines. Oui, on lui prête une série d'exploits, 7 pour être exact. Certains appartiennent en propre à la légende de Milon et d'autres sont attribués à la fois à Milon et à d'autres athlètes qui sont ses contemporains simultanément. Alors oui, ces exploits, dans la forme qui nous en est rapportée, sont légendaires, mais en fait, là encore, ils restituent quelque chose de bien réel, à savoir des pratiques d'entraînement en vigueur dans les gymnases de la fin du 6e siècle et du 5e siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, la plupart de ces exploits sont l'écho légendarisé d'exercices de gymnase bien réels et bien attestés. Au-delà de cette figure, nous en venons à une réflexion plus large sur ce qu'a représenté le sport dans la Grèce antique. Le mot de sport, évidemment, est anachronique. Il n'arrive que de Grande-Bretagne au début du 19e siècle en Europe. Mais enfin, nous nous permettrons peut-être de l'utiliser. Dès lors qu'on s'entend sur le périmètre du terme, on peut parler de sport dans le monde grec ancien, dès lors qu'on a affaire à des activités qui sont motrices, qui sont codifiées, donc avec des disciplines qui font l'objet d'un certain nombre de règles, qui sont encadrées institutionnellement et surtout qui font l'objet de compétitions. Et dès lors que ces quatre critères de définition sont réunis, on peut qualifier une activité de sportive, même si, effectivement, la langue grecque n'a pas connu de terme équivalent au terme français de sport. Alors pour ouvrir ce moment de notre réflexion commune, de notre conversation, je voudrais vous faire entendre un extrait. Je parlais de l'attrait du sport pour beaucoup d'hommes de lettres. Vous faire entendre un extrait d'un roman de Maurice Genevoix qui s'appelait Eutymos, vainqueur olympique. Un roman publié en 1924 et dont un extrait est lu ici par Jean de Sailly sur France Culture. Le 5 octobre 1968, vous nous direz ensuite si Maurice Genevoix restitue de façon à vos yeux fidèle cet univers spécifique. Ils ont vu les lutteurs enlacés, leurs muscles se gonflant sous la peau frottée d'huile, glissant et s'insinuant avec des souplesses couleuvrines. Et le soleil, toujours, brillait sur leurs groupes pathétiques, les lignes sinueuses accourcies dans leur force. Et soudain, éployé au sursaut des lutteurs, au tournoiement d'un grand corps pâle, ainsi qu'éclate un fruit trop mûr. Ils ont vu les pugilistes se frapper de leurs poings terribles, leurs visages saignés sous les calottes de métal, et des frissons sauvages à l'aspect du sang rouge glaçaient et durcissaient leurs reins. Puis s'affrontaient les pantrasiastes avec des ponts attentifs et brutaux, des doigts ouverts, cherchant les gorges, des étreintes obliques, des torsions de membres craquants, des colères courageuses et muettes. Les disques de bronze fendaient l'air, les javelots se plantaient dans la cible, et leurs rampes longtemps tremblaient. Sur les talus glissait la course lente du soleil dans la chaleur torride. La foule criait vers les athlètes, parfois, çà et là, un délire d'enthousiasme soulevait tout un peuple à la victoire de ses champions. Immense était l'orgueil des Crotoniates, acclamant par 7 fois les coureurs de Crotone, 7 fois vainqueurs dans la course du stade. Vers les jeunes hommes de leur patrie, ils jetaient des cédras, des grappes de raisins et des fleurs. Il en était qui, d'une main fébrile, dénouait les liens de leurs sandales et les lançait à travers la piste. Debout, gesticulant, ils allaient proclamant que le dernier des Crotoniates demeurait le premier des Grecs. La foule conquise applaudissait, les alyptes débordées les laissaient envahir l'arène, soulever sur leurs épaules et porter en triomphe les 7 vainqueurs, haletants encore mais souriant d'une joie radieuse. Alors, Jean-Manuel Rubineau, est-ce que Genevoix vous paraît fidèle à ce que vous savez de la vie sportive dans cette Grèce ancienne ? Alors, d'une certaine manière, oui, très fidèle dans la peinture qu'il propose des souffrances et des difficultés, des enjeux de la vie athlétique, le soleil, la sueur, les blessures, l'ardeur des athlètes sont très très bien rendus, en tout cas à mes yeux. Il y a deux petites imprécisions peut-être quand même. La première, c'est sur ces pugilistes qui, sous la plume de Maurice Genevoix, porteraient des casques en métal. Non, on pratiquait la boxe sans casque, le pugilat pour être exact, sans casque dans l'Antiquité. La seule épreuve qui était pratiquée avec casque, c'est ce qu'on appelait la course en armes. Et puis il y a une deuxième petite imprécision peut-être, qui est la référence à un javelot qui serait planté dans une cible, alors que le lancer du javelot antique se déroulait à peu près dans la même condition que le lancer du javelot moderne, c'est-à-dire qu'on le lançait le plus loin possible en espérant qu'il se fiche dans le sol. Je salue avec beaucoup de respect votre érudition sur ces choses. Au fond, c'est dans ce 7e siècle, et puis surtout le 6e, que se mettent en place les décors de cette vie sportive qui nous sont à certains égards désormais familiers. Je veux dire le gymnase, le stade, et puis les institutions, avec les concours, un calendrier, avec les périodes. Tout cela sonne assez familier pour nous tous. Effectivement, ce sont des points communs aux pratiques sportives antiques et modernes. La pratique sportive antique, en tout cas compétitive, est rythmée par la fréquentation du gymnase pour l'entraînement et du stade pour les compétitions. Et ce sont deux espaces qui surgissent dans le paysage des cités dans le courant du 6e siècle. Pas de gymnase, pas de stade durant les siècles précédents. On connaît l'existence de compétitions, mais elles sont épisodiques. Il n'y a pas de lieu d'entraînement dédié et elles n'obéissent à aucun calendrier. C'est au début du 6e siècle que se met en place le calendrier qui va en fait régler le temps sportif durant toute la suite de l'Antiquité. Ce calendrier, disons son centre, son nœud principal, c'est ce qu'on appelle la période qui est le cycle quadriennal qui voit se succéder les quatre concours sacrés, c'est-à-dire non seulement les concours olympiques, mais aussi les concours pythiques, ismiques et néméens. D'où viennent ces trois derniers adjectifs? Pythique, ça vient de Pytho, et donc ça fait référence à Apollon Pythien, au sanctuaire d'Apollon à Delphes. Ismique, ça fait référence à Corinthe, qui est située sur l'isthme, qui relie la Grèce balkanique au Péloponnèse. Et Néméen, ça vient de Némée. Vous évoquez les différentes formes de lutte. Il y a la lutte, et puis il y a le pancras. C'est un mot masculin, contrairement à ce que certains croient. Le pancras, qui est plus brutal encore, puisque tout y est à peu près permis, sauf de mettre les doigts dans les yeux de l'adversaire. Et de le mordre, effectivement. Il y a deux gestes qui sont formellement interdits et qui font que le pancras est un sport et pas simplement une lutte sauvage. C'est effectivement le fait de mettre les doigts dans les yeux et fonctionnellement d'essayer d'exophtalmer son adversaire. Et puis le fait de le mordre. Tout le reste est autorisé. C'est-à-dire qu'on peut frapper sur l'ensemble de la surface du corps son adversaire et le saisir sur l'ensemble de la surface du corps. Les athlètes combattent nus, ce qui a surpris les Romains. Ils combattent nus. Alors, il y a des débats historiographiques sur le moment de naissance de cette pratique, mais à partir du courant du 6e siècle ou du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, effectivement, on s'entraîne nus et on combat nus. On le voit sur les vases qui sont une des sources, évidemment, d'informations pour nous sur la manière dont ces sports se déroulaient. Oui, c'est une source qui est fondamentale à différents titres. Elle nous fournit toute une série d'informations sur les gestes du sport, sur effectivement le corps des athlètes et notamment les morphotypes. Et on voit très très bien sur les scènes athlétiques sur vase, qui datent du 6e, du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ, on voit très très bien les différences de morphotypes entre les coureurs de sprint, les coureurs de course longue, les pentathlètes ou les athlètes lourds, c'est-à-dire les lutteurs, boxeurs et pancratiastes. Quand on considère cette période, Jean-Manuel Roubineau, comment peut-on interpréter rétrospectivement l'émergence de cette figure sociale de l'athlète dans l'évolution de ces sociétés anciennes, peut-être en référence d'ailleurs aux nôtres? Alors c'est une question qui est difficile à démêler du fait de l'état de la documentation, mais il y a une série de pistes qu'on peut proposer. Oui. Le sport antique a pu être pensé, en tout cas au moment de sa naissance, comme un moyen pour les élites de continuer de cultiver des valeurs et une forme d'entre-soi aristocratique à un moment où elles perdaient pied dans la vie politique, où leur pouvoir politique se retrouvait amoindri. C'est pas amuser le peuple, comme on dira à Rome, le pain et des jeux, pour éviter que le le peuple proteste contre sa situation inférieure ? Si, c'est toute l'ambiguïté du phénomène sportif antique, c'est que ce sont probablement essentiellement des individus issus des élites qui peuvent s'y adonner, et en même temps, il y a une adhésion populaire massive à l'égard du phénomène sportif, et donc on peut effectivement penser le sport comme un lieu de promotion d'un idéal de compétition, de concurrence, qui est un idéal aristocratique, mais qui finalement, par l'intermédiaire du sport, se retrouve partagé par tous les habitants des cités. Comme un moyen de domination aussi ? Des élites ? C'est d'une certaine manière la même chose, je dirais. C'est-à-dire que dès lors qu'on accepte le principe de la compétition et de l'excellence, les élites pensent qu'elles vont sortir victorieuses de cette compétition sociale. Et puis il y a la dimension militaire peut-être ? Oui, c'est un élément à prendre en compte aussi. On sait d'abord que les gymnases, toutes époques confondues, sont des lieux dans le cadre desquels les armées s'entraînent à une série de manœuvres militaires. Donc le gymnase est souvent aussi un lieu de pratique militaire. Mais surtout, on a pu considérer, on continue parfois de considérer, que l'émergence du sport et de l'entraînement quotidien et du gymnase est liée à des nécessités militaires. C'est-à-dire que les cités, d'une certaine manière, auraient permis la prospérité du sport parce qu'il répondait à un usage social extra-sportif, à savoir fabriquer des corps de bons soldats. L'athlète, au fond, c'est l'incarnation dans cette Grèce archaïque et ancienne de l'homme libre. L'homme libre, à l'époque d'Homère, ce sont des favoris, des aristocrates, pourrait-on dire, qui se jette dans la bataille. On le voit très bien dans le chapitre 23 de... Je me trompe pas, c'est bien 23. Absolument. 23 d'Homère, de l'Iliade, où il y a une description de ce genre d'affrontement sportif. Et plus tard, au contraire, ce sont des gens qui sont certes des citoyens, jamais des esclaves ou des affranchis, mais qui émergent de leur situation relativement moyenne pour devenir des stars, comme nous dirions aujourd'hui. Alors effectivement, dans le monde homérique, donc dans les poèmes homériques qui décrivent très probablement la société grecque du début de l'époque archaïque, du 8e, éventuellement du 7e siècle avant Jésus-Christ, essentiellement du 8e, ce sont les héros, ce sont les rois qui s'adonnent aux compétitions sportives, mais ils viennent chercher dans ces compétitions une forme de confirmation d'une valeur sociale qui est déjà bien établie. Et c'est toute la différence avec les athlètes qui participent du mouvement sportif par la suite, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'un athlète, à l'inverse du héros homérique, est quelqu'un dont la valeur se définit au moment de la compétition. Les héros homériques, eux, quand ils se présentent, ont déjà une valeur qui est bien en place, qui est reconnue, et les choses vont assez loin, puisque même dans les compétitions qui sont décrites dans les poèmes homériques, c'est votre valeur intrinsèque, votre valeur initiale, votre surface sociale, on dirait aujourd'hui, qui fonde en partie le prix que vous allez recevoir dans la compétition. Et donc, ça n'est pas qu'affaire de performance athlétique, c'est aussi affaire de valeur en soi et précédente, je dirais, à la compétition. Achille, d'ailleurs, qui organise ses jeux au pied des murailles de Troie, Achille, très directement, prend en compte, on le voit bien dans ce passage de l'Iliade, prend en compte, comme vous le dites, ces situations sociales antérieures. Alors que les athlètes, à l'époque de Milon de Crotone, connaissent une progression sociale qui ne nous est pas aujourd'hui étrangère avec ce formidable essor de la prospérité de nos grands sportifs d'aujourd'hui, notamment dans le domaine du football. Alors les choses sont assez complexes en la matière, c'est-à-dire qu'effectivement il y a ce qu'on pourrait appeler des success stories athlétiques dans l'histoire du sport antique, des individus d'origine très modeste et qui vont, je dirais, triompher sur le champ et sur le théâtre athlétique. Mais on sait aussi que pour pouvoir s'adonner au sport, il faut d'abord et avant tout se rendre régulièrement au gymnase pour s'y entraîner, et que cette capacité, cette possibilité, elle est conditionnée par le fait de disposer de loisirs et donc, en règle générale, d'un certain patrimoine. Donc, je dirais, en valeur moyenne, les athlètes anciens étaient probablement beaucoup plus fortunés que les athlètes modernes. Ils s'enrichissent moins aussi ? Ils s'enrichissent moins dans le sens où les sommes qui circulent dans le monde sportif antique sont bien plus réduites que les sommes qui circulent dans le monde sportif moderne. Cela étonne d'ailleurs le grand roi de Perse et sa cour, lorsque des déserteurs grecs viennent leur expliquer qu'il y a assez peu d'argent à gagner quand on brille dans le sport. Écoutez ce texte lu par Gilbert Villon sur France Culture, le 5 octobre 1968. Hérodote. Il arriva auprès de Xerxès quelques déserteurs d'Arcadie. Ils manquaient de tout et notamment demandaient à travailler. ils furent conduits devant le roi, et, entre autres Perses qui les interrogeaient, l'un d'eux leur demanda avec plus d'insistance à quoi s'occupaient en ce moment les Grecs. Maintenant, répondirent les déserteurs, les Grecs célèbrent les Jeux Olympiques et assistent aux épreuves sportives et aux courses de chevaux. Ce même Perse leur demanda alors en quoi consistait le prix des épreuves. En une couronne d'olivier, dirent-ils. On rapporte à cette occasion une noble parole de Triton Taekmès, fils d'Artaban, qui le fit accuser de lâcheté par le roi. Apprenant que le prix ne consistait point en argent, mais en une couronne d'olivier, il ne put s'empêcher de s'écrier devant tous « Par les dieux, Mardonius, quels sont donc ces hommes que tu nous mènes combattre ? Ils sont insensibles à l'intérêt et ne combattent que pour la gloire. » Est-ce que c'est vrai que les Grecs ne combattaient que pour la gloire, Jean-Manuel Roubineau ? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que fondamentalement, la pratique athlétique, le sport antique, est fondée sur une distribution de la valeur qui est indifférente à l'argent. C'est-à-dire que les concours les plus prisés étaient les quatre concours sacrés, dans le cadre desquels les vainqueurs ne remportaient absolument pas d'argent, mais simplement le titre et la couronne qui accompagnait ce titre. Donc, d'une certaine manière, toute la pyramide sportive antique est fondée sur l'idée que l'argent ne compte pas, que seul compte la victoire. Et puis, simultanément, presque dès les origines du sport, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, on voit surgir des concours qu'on appelle crématites, c'est-à-dire des concours où on gagne des prix avec une valeur monétaire et qui vont prospérer durant toute la suite de l'histoire de l'Antiquité. On valorise en fait la gloire qui n'a été récompensée que par une couronne, ensuite on la valorise au dehors. Les deux. C'est-à-dire que les deux s'articulent et on le voit dans les palmarès athlétiques, les décrets qui nous proposent des résumés des carrières athlétiques font figurer presque toujours en premier les titres dans lesquels on a remporté que le titre, les plus grands titres, donc ceux des concours sacrés, au premier rang desquels le titre olympique. Et puis ensuite, ils énumèrent aussi les titres remportés dans les concours crématites, les concours à prix d'argent, qui étaient aussi valorisés symboliquement et puis aussi financièrement. Les textes nous montrent qu'il y a eu des prospérités individuelles, des athlètes les plus marquants. Oui, on a des athlètes qui gagnent beaucoup d'argent dans le cadre de, je dirais, un circuit de compétition internationale. On peut mener une vie athlétique autofinancée. On peut se demander d'ailleurs si cette évolution de la place de l'argent, qui est récente en somme dans notre Occident, n'a pas connu une évolution semblable. Dans l'entre-deux-guerres encore, Jules Ladoumet, qui était un athlète extrêmement prestigieux, a été rayé des cadres et empêché de poursuivre sa carrière parce qu'il s'était fait payer un billet de train pour aller rejoindre le Havre pour une compétition. On est très très loin évidemment de ce qu'on entend ces jours-ci sur l'achat par Manchester d'un footballeur plus de 100 millions d'euros. Oui, donc c'est la question de l'idéal de l'amateurisme, en fait, qui est posée ici. Alors, au risque de vous décevoir peut-être, je ne sais pas. Je vous dirais. Il n'y a pas d'idéal amateur dans le sport antique. C'est-à-dire que dès l'origine, les athlètes rassemblent, gagnent de l'argent dans le cadre des compétitions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désintérêt pour les choses d'argent dans le cadre du sport antique et surtout pas de sélection et de distinction entre des athlètes qui seraient pensés comme amateurs et d'autres qui seraient pensés comme professionnels. Est-ce qu'il existe un mercato comme aujourd'hui ? Alors, il existe dans un cadre relativement étroit. En tout cas, c'est ce que suggèrent les sources parvenues jusqu'à nous. On sait que les tyrans, notamment les tyrans d'Italie et de Sicile, du 5e siècle et du 4e siècle avant Jésus-Christ, essayent d'attirer à prix d'argent les athlètes qui sont, en fait, des champions pour les ramener dans leur cité et bénéficier de l'aura qui entoure ces athlètes. Est-ce que la gloire sportive peut conduire les athlètes à des responsabilités politiques ? Ça existe de notre temps, mais assez rarement. Je pense à Pelé, par exemple, au Brésil, ou tel champion devenu ministre des Sports en France, Guy Dru, Lamour ou d'autres. Oui, David Douillet ou Thierry Rey ont mené des carrières politiques également, toujours dans le judo cette fois-ci. Oui, on peut effectivement réinvestir le capital engrangé lors des victoires athlétiques dans une vie publique qui n'est plus athlétique. Ça peut être une vie publique politique, ça peut être une vie publique religieuse ou une vie publique militaire. Donc certains athlètes, pas tous, mais certains athlètes effectivement réinvestissent le capital qu'ils ont engrangé dans le sport hors du sport. Il y a une donnée, en tout cas, c'est que les femmes ne peuvent pas participer à cette vie sportive. Et même lorsqu'il s'agit de rencontres à caractère sacré, elles doivent s'abstenir. Je vois qu'une femme qui s'appelait Kallipatera et qui avait entraîné son fils, qui avait gagné une victoire, avait voulu venir et s'est habillée en homme. Et puis on s'est aperçu que c'était une femme et sa tunique s'étant ouverte. Mais comme elle était dans une famille très prestigieuse, elle n'a pas été punie. D'ailleurs, Pierre de Coubertin, dont nous parlions tout à l'heure, est exactement dans cette ligne que les femmes restent à leur place. Écoutez-la, 1935. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Ce propos vous paraît dans la fidélité à ce que fut la sensibilité des Grecs anciens ? On n'est pas très loin. Effectivement, le sport antique est une activité, un espace social qui est pensé comme utile à construire la virilité. C'est-à-dire que c'est l'homme qu'on construit dans le sport, au gymnase et au stade, l'homme par opposition, j'entends, à la femme. Et les valeurs qui sont cultivées dans le cadre du sport sont des valeurs qui sont pensées comme exclusivement masculines. Il y a, je dirais, peut-être une exception mythologique à cette règle, mais qui en fait confirme cette règle, c'est le mythe d'Atalante. Atalante qui était cette jeune femme qui refusait de se marier et qui avait accepté d'affronter chacun de ses prétendants à la course, sauf qu'elle courait extrêmement vite et qu'elle gagnait systématiquement. Le mythe nous raconte qu'elle laissait partir ses prétendants et puis que si elle les rattrapait, elle les embrochait à la lance. Et puis il y a eu un prétendant un petit peu plus malin que les autres qui s'appelait Hippoménès, qui, muni de petites pommes d'or qui lui avaient été confiées par les déesses, est parti en courant devant Atalante, et quand elle a été sur le point de le rattraper, il a laissé tomber ses petites pommes d'or. Et parce qu'Atalante est une femme, nous dit le mythe, elle se serait interrompue face à ces beaux objets, les aurait ramassés et Hippoménès aurait gagné la course. Atalante et Hippoménès, je dirais par la suite, ce mari auront une fin dramatique, mais c'est une autre histoire. Ce que raconte le mythe, c'est que une femme aussi rapide soit-elle, aussi athlétique soit-elle, finalement, se laissera toujours tôt ou tard gruger par un subterfuge et ne sera pas, autant que peuvent l'être les hommes, intéressés par la valeur de la victoire, du triomphe, de la gloire et de l'excellence. Finalement, Atalante, par le fait qu'elle a ramassé ses pommes d'or, est revenue à ce que les Grecs pensaient être sa condition féminine d'origine. Un peu comme Pandore, dont la curiosité ne peut pas s'empêcher d'ouvrir la boîte. C'est ça, c'est une forme d'éternel féminin qui est symétrique de l'éternel masculin, ou du supposé, bien sûr, éternel masculin. Ce mythe devait être cher, j'imagine, à Pierre de Coubertin. D'ailleurs, on trouve dans les Métamorphoses de d'Ovide, on trouve Milon de Crotone comme incarnant la force virile. Vis veut d'ailleurs dire la force, et la même racine que vir, l'homme, tandis que c'est Hélène qui représente la femme, qui l'incarne. Absolument. Il y a une symétrie qui est faite par Ovide entre l'archétype du masculin, dont Milon serait un exemple, et l'archétype du féminin, dont Hélène serait un exemple. Chez Ovide, les deux personnages sont d'ailleurs utilisés pour examiner l'effet de la vieillesse sur l'homme et sur la femme. Sur l'homme, que Milon représente, la vieillesse a pour effet de le priver de ce qui est constitutif de sa masculinité, à savoir la force, l'énergie vitale. Sur la femme, la vieillesse a pour conséquence, nous dit Ovide, de priver la femme de ce qui est constitutif de la féminité, c'est-à-dire sa beauté. On revient toujours à la faiblesse physique aussi de la femme, qui s'oppose à la puissance de Milon. Nous avons cité plusieurs de ses exploits, on pourrait ajouter que il a transporté sa propre statue dans l'Altis, le sanctuaire d'Olympie. On lui prête cet exploit d'avoir transporté sa statue de bronze et de l'avoir posée sur sa base, où elle est restée par la suite, à Olympie. Alors là encore, on a affaire à un exploit qui est, je dirais, irréalisable, mais qui fait écho à une pratique athlétique bien réelle, qui est ce qu'on appelle la pratique d'étreinte des statues, qui consistait pour les athlètes dans les gymnases à utiliser les statues présentes dans les gymnases pour se livrer à toute une série d'exercices de force qui leur permettaient de développer leur capacité de préhension, leurs appuis, leur équilibre. Je voudrais que nous en venions à la question de la diététique athlétique. Est-ce que on se pose la question de la manière de se nourrir ? Est-ce que ce que l'on consomme soit de la nourriture normale, soit d'autres types de consommation ? qui peuvent aiguillonner l'énergie? Est-ce que c'est déjà une question qui se pose? Oui, absolument. C'est une question qui est très présente dans la pratique athlétique. C'est-à-dire que je dirais la règle générale, toutes époques confondues, est de concentrer l'alimentation des athlètes sur des aliments qui sont pensés comme très caloriques. Ça va être notamment les produits laitiers, et en particulier le fromage. Ça va être les fruits, et notamment les figues, et plus spécialement les figues sèches. Et puis, ça va être la viande. Et Milon est le témoin et un des acteurs de cette révolution diététique, littéralement, je crois qu'on peut le dire, qui surgit durant le dernier tiers du 6e siècle avant Jésus-Christ et qui fait que les athlètes, en tout cas les athlètes lourds, c'est-à-dire les lutteurs, boxeurs et pancratiastes, vont avoir une alimentation à base de viande. Et ça, c'est une nouveauté qui surgit à la fin du 6e siècle. C'est une nouveauté et c'est très singulier parce que les athlètes vivent dans un univers où on mange très peu de viande. Je rappelle que les Grecs, on estime que les Grecs, le grec moyen, si vous voulez, mangeaient moins de 2 kilos de viande par an. Avec les athlètes, on est sur des proportions qui sont incomparables avec cette réalité. Et donc, ils sont des figures alimentaires tout à fait singulières parce qu'ils vivent dans un monde qui pratique la diète végétale ou quasiment la diète végétarienne et que eux, en revanche, ou à contrario de cette pratique, mangent de la viande quotidiennement. On nous dit que, ce qui est évidemment complètement impossible, que votre Milon de Crotone avait l'habitude de manger une douzaine de kilos de viande avec autant de pain, de froment, une dizaine de litres de vin. C'est absolument quelque puissante qui était sa constitution, c'est impossible. Ah oui, c'est impossible. Un tel régime quotidien aurait conduit immanquablement à des désordres organiques et puis probablement à un décès prématuré du mangeur. Mais ce régime qui est prêté à Milon, il nous dit quelque chose en dehors de la place de la viande qu'on trouve dans cette énumération. Ce régime renvoie à l'idée que les athlètes lourds sont pensés comme des individus qui sont vorace, parce que la voracité est un facteur explicatif de leur force. C'est-à-dire qu'on pense que l'alimentation constitue la source principale de la force avec l'exercice. Plutarque nous dit, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, début du 2e, Plutarque nous dit, l'athlète dort beaucoup, le sommeil, prend des repas toujours abondants, observe des périodes réglées de mouvement et de repos, de manière à grossir et à conserver sa forme. Le moindre manquement, la moindre transgression du régime pourrait tout compromettre. Il y a l'idée d'une alimentation spécifique, l'anancophagia, c'est au fond notre régime alimentaire que s'imposent vos athlètes, apparaît aujourd'hui très très très actuel. Oui, absolument. On est déjà dans un contexte de régime contraint. Les athlètes intègrent dans leur préparation sportive une série de dispositifs, parmi lesquels un dispositif alimentaire. Un régime qui est contraint, qui donc est centré sur ces aliments très caloriques, et notamment la viande, avec l'idée que la viande va permettre à la fois de fournir l'énergie nécessaire à l'effort physique quotidien de l'entraînement, et en même temps que cette viande va permettre de construire le corps et de le développer, un peu comme un surcorps. Ce sont déjà les sumos japonais, à certains égards. Ça y ressemble, en tout cas, c'est une comparaison qu'on peut tenter, les sumos ou les rikishi japonais qui, effectivement, se suralimentent pour prendre un maximum de masse corporelle. Alors, c'est aussi lié à la logique interne du sumo, qui consiste à essayer de descendre le centre de gravité au maximum des sumotori, parce que le sumo est une épreuve qui est très très courte, la plupart des combats de sumo durent moins de 15 secondes, et donc ce que les japonais appellent le takiai, c'est-à-dire ce moment de rencontre entre les deux sumotori, le choc, et le choc donc des deux masses et des deux forces est l'élément déterminant. Et donc, on essaye de prendre du poids, le plus de poids possible. L'un d'entre eux, champion Kazuhiro Kirishima, expliquait que pour un lutteur de sumo, l'obligation, je le cite, de se nourrir est tout aussi importante que l'entraînement quotidien. Le poids est un élément capital. Il amplifie la force déployée dans l'offensive en lui ajoutant de la vigueur. Le sumo est un univers où le poids résout bien des choses. Les mots grand et lourd deviennent ici presque des qualités morales. Est-ce qu'on aurait pu dire ça, Jean-Manuel Roubineau? Est-ce qu'on aurait pu dire ça de Milon de Crotone et de ses pairs? Absolument. La situation est tout à fait comparable, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de grossir, de prendre de la masse, de prendre du poids. Alors bien sûr, il s'agit de prendre un poids utile, c'est-à-dire un poids qui soit essentiellement fait de muscles et pas de graisse ou je dirais de manière marginale. Ce qui est amusant avec cet extrait des mémoires de Kazuhiro Kirishima, c'est que c'est un sumotori, un rikishi, qui a été confronté à la difficulté de prendre du poids. C'est quelqu'un qui, quand il a commencé sa carrière, faisait à peu près 80 kilos et ne parvenait pas à prendre de poids. Et un gringalet, en fait. C'était un gringalet dans le monde des sumotori et qui donc a vécu ça un peu comme une tragédie personnelle et qui a employé tout son argent et toute son énergie pour réussir à manger un maximum et grossir. Et il a eu une très très belle carrière par la suite. Ce doit être un véritable calvaire quotidien que de se nourrir dans ces conditions. C'est un calvaire quotidien. D'ailleurs, c'est aussi ainsi que c'est décrit par les athlètes de force contemporains, ceux qui participent aux championnats du monde de force, qui fonctionnent à l'échelle de l'ensemble de la planète, qui existent depuis les années 70. Hein. Ce sont des athlètes qui mangent 6 ou 7 repas au quotidien avec des apports caloriques qui sont absolument considérables, parce qu'une bonne partie des épreuves de force ne sont réalisées que si on dépasse un certain poids de corps. Alors, quid de la réflexion de l'époque et de la pratique des questions de la sexualité ? Aujourd'hui encore, on nous explique que la chasteté peut être un élément positif pour gagner un combat ou l'emporter dans un stade. C'est une réflexion qui existe déjà chez les anciens. Oui, c'est une réflexion qui existe déjà chez les anciens. Aujourd'hui, c'est encore une question qui est très débattue. La science n'a pas réussi à répondre à la question de l'effet d'une sexualité sur la performance. Mais il y a des sportifs, toutes disciplines confondues, qui pratiquent l'abstinence. On le voit chez les sprinteurs, on le voit chez les cyclistes, on le voit chez les boxeurs aujourd'hui assez régulièrement. À l'époque, il n'y a pas encore de sextape. À l'époque, il n'y a pas encore de sextape, en tout cas aucune qui soit parvenue jusqu'à nous. La question de la sexualité est effectivement centrale dans la préparation athlétique, c'est-à-dire qu'on sait dès le début de l'époque classique, et probablement en fait dès l'époque de Milon, que certains athlètes, pas tous, mais certains athlètes suivaient une règle stricte abstinence sexuelle, parce qu'il était pensé que c'était propice à l'effort et à la performance. Alors à cela, il y a une raison, qui est que le sperme est pensé dans les écrits théoriques antiques et même dans les conceptions communes, comme une des sources de la force, de la vigueur, de l'ardeur. Sur les canons corporels, Jean-Manuel Roubineau, qu'implique la pratique du sport, on a un texte qu'on cite souvent, c'est extrait des Nuées, la pièce d'Aristophane que je vais vous faire entendre. C'est un extrait d'une émission d'Emmanuel Hirsch qui remonte à 1997, en décembre. Tu passeras tes loisirs au gymnase, brillant et frais comme une fleur. Descendant à l'académie ou sous les oliviers sacrés, tu prendras ta course couronnée de légers roseaux avec un ami sentant le smilax. Si tu agis comme je te le dis et y appliques ton esprit, tu auras toujours la poitrine robuste, le teint clair, les épaules carrées, la langue courte, les fesses grosses et le sexe petit. Mais si tu te perds dans les mœurs à la mode, tu auras le teint malade, les épaules étriquées, la poitrine resserrée, la langue longue, la fesse plate et le sexe long. C'est un peu surprenant peut-être. Le petit sexe, c'est vu de façon positive ? C'est vu de façon positive parce que c'est associé à la continence. Le fait d'arborer un sexe flaccide signifierait que les athlètes sont finalement prisonniers de leur libido et incapables de la maîtriser, ce qui est inapproprié dans l'espace du gymnase et du stade. Pour le reste, les formes corporelles, ce sont celles qu'on retrouve sur les vases, par exemple. On retrouve effectivement des points communs. Alors la description qui est faite ici est celle plutôt de l'idéal du jeune homme. Sur les vases, on trouve à la fois des jeunes hommes et puis des hommes barbus, des hommes faits, donc avec des physiques plus massifs et plus construits. Mais oui, ce qui est intéressant dans ce passage des Nuées d'Aristophane, c'est qu'il résume très bien à quel point le canon corporel grec, le modèle anatomique, est celui de l'athlète. C'est-à-dire que le corps masculin beau est le corps athlétique. Nous parlions du soutien que ces athlètes, avec leur prestige, trouvaient dans une large part de l'opinion, dans la Grèce antique, ce qui n'empêche que certains se sont insurgés contre cette gloire. Je pense par exemple, tout à fait représentatif, à la réaction de Galien, un des deux grands médecins de l'Antiquité, avec Hippocrate, qui au IIe siècle après Jésus-Christ s'exprime de la sorte pour dénoncer ce que les sportifs peuvent avoir de prestige malvenu. Les sports me sont suspects. Ils ont beau promettre la vigueur physique, conférer une célébrité auprès du peuple, avoir été chez nos ancêtres l'objet de largesses répétées chaque jour, et avoir été traité sur le même pied que les arts, je crains qu'ils n'égarent l'esprit des jeunes hommes et ne les poussent à les préférer aux autres études. L'entraînement athlétique n'apporte aucun appoint aux œuvres essentielles de la vie. Vous l'apprendrez si je vous conte une fable qu'un poète qui ne manque pas de talent a mise en vers. Voici la fable. Si Par la volonté de Zeus, tous les animaux arrivaient à se mettre d'accord et à se former en société. Si, conséquence légitime, à Olympie, le héros ne se contentait pas d'appeler aux épreuves des hommes, mais demandait à tous les animaux de descendre dans la même arène, aucun homme, je crois, ne serait couronné. Dans le dolique vaincrait le cheval, et le lièvre dans la course de vitesse, le chevreuil dans la diaule. Bref, pas un humain ne l'emporterait pour ce qui est de la vitesse de ses jambes. Oh, vanité de l'entraînement et de l'athlétisme. De même, parmi les descendants d'Héraclès, nul ne saurait se montrer plus fort que l'éléphant ou le lion. Je crois aussi que dans la boxe, il faudrait couronner le taureau. Et même que l'âne, s'il voulait lutter à coups de sabot, pourrait remporter la couronne. Et l'histoire enregistrerait qu'un âne a vaincu des hommes au Pancras, et que c'est dans la 21e Olympiade que l'animal qui brait remporta la victoire. Très spirituellement, cette fable démontre que la valeur athlétique ne mérite pas de figurer au nombre des objectifs de l'homme. Si les athlètes ne l'emportent pas en vigueur sur les animaux, de quel avantage pourront-ils se prévaloir ? C'était Pierre Constant qui lisait ce texte de Galien sur France Culture le 25 novembre 1971. Dès d'ailleurs l'époque même de Milon de Crotone, Jean-Manuel Roubineau, un poète comme Xénophane, critique violemment la gloire de celui-ci. Absolument. La critique du sport a émergé extrêmement tôt et c'est d'ailleurs assez surprenant. C'est-à-dire qu'elle est presque contemporaine du sport. Il ne s'est probablement écoulé que quelques années. Dès que les athlètes ont commencé d'être populaires dans leur cité d'origine, ils ont fait l'objet d'une critique de la part des philosophes. L'idée que le savoir est très supérieur à la force ou performance athlétique et que le savoir est plus à même d'enrichir la cité mais aussi de contribuer au respect des lois et de l'ordre social. On retrouve probablement certaines critiques du même genre aujourd'hui, non ? Absolument, il y a une critique, il y a un mouvement intellectuel antisportif qui est assez fort en France, mais pas seulement en France, et qui attaque le sport pour une série de raisons. Je dirais que les deux objections principales, c'est que le sport est parfois décrit ou critiqué pour être une forme d'avatar du modèle libéral, c'est-à-dire que le sport serait malgré lui un lieu de promotion de l'idéal compétitif et de la compétition à tout prix. Darwin. C'est ça. Et puis la deuxième critique qui est régulièrement faite au sport dans les écrits sociologiques, je dirais antisportifs contemporains, critique à l'égard du sport plutôt contemporain, c'est la critique du sport comme lieu de construction du machisme, de la phallocratie, avec l'idée que le sport s'exercerait toujours au détriment des femmes. Quand on écoute Coubertin, que je donnais à entendre tout à l'heure, on ne peut pas absolument démentir ce genre d'inquiétude, de préoccupation. Oui, la question c'est de savoir si les valeurs que le sport a portées et qu'il porte aujourd'hui sont genrées, pour utiliser un néologisme ou pas, c'est-à-dire qu'elles sont nécessairement associées à un idéal de masculinité ou pas. La critique antique, elle, ne portait pas sur cet aspect-là, c'est-à-dire que la question, je dirais, d'une critique féministe du sport n'existe pas. Les termes de la critique antique adressés au sport sont des termes d'utilité et d'inutilité, c'est-à-dire qu'on attaque les athlètes pour leur inutilité sociale ou supposée inutilité sociale. Galien, dont on a écouté un extrait précédemment, va jusqu'à comparer les athlètes à des cochons. Tels les cochons, les athlètes dorment trop, mangent trop, se réveillent. Donc, quand les autres font leur pause après une première matinée de travail, etc., etc. Et donc, la critique récurrente qui existe dès le 6e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à la fin de l'Antiquité, adressée aux athlètes, c'est-à-dire pas nécessairement au sport en général, mais à ceux qui font carrière athlétique, c'est l'objection de leur inutilité sociale. Ce qu'ils font ne pourra pas ensuite être réinvesti dans la société. C'est ce que disent les philosophes, c'est ce que disent les médecins, et c'est ce que disent régulièrement les poètes dans les pièces de théâtre. Il y a un dernier aspect qui attire l'attention des philosophes et des commentateurs de la Grèce antique et de Rome aussi, c'est la question de l'athlète vieillissant, le tragique du moment où l'athlète glorieux perd de sa force. On trouve chez Ovide, par exemple, une peinture sur le mode poétique, naturellement, d'un Milon dont les bras sont vidés de leur force. Le vieux Milon pleure en voyant ses bras qui étaient comparables à ceux d'Hercule, tant leur masse musculaire était dense, pendre, inutiles et flasques. Oui, il y a une peinture de l'athlète comme figure anti-philosophique, et Milon a été, je dirais, un élément central de cette critique de l'athlète, précisément parce qu'il était l'incarnation même de la force, et donc que la chute n'en a été probablement que plus rude pour Milon, mais surtout parce que les athlètes sont pensés comme des individus qui cultivent une qualité, la force, qui est extrêmement volatile. Et du point de vue des philosophes, eh bien, l'athlète finalement ne construit qu'une fausse valeur ou une fausse vertu, puisqu'elle ne lui permettra pas ensuite d'affronter les difficultés de la vieillesse. Il n'empêche que Milon finalement a affronté assez bien, en tout cas, la suite des siècles, puisqu'on le retrouve encore sur un timbre-poste en France à l'occasion des Jeux Olympiques de 1924. Absolument. Il a été extrêmement populaire dans toute une série de supports culturels. On le retrouve presque à toutes les époques de l'histoire. Il est évoqué par Shakespeare, il est évoqué par Alexandre Dumas, il est évoqué par Victor Hugo, par Brantôme, etc., etc. Et on pourrait citer, surtout en dehors de la littérature, de nombreuses œuvres d'art, statues, peintures, qui ont exploité le premier ressort de cette postérité. C'est cette fameuse mort prêtée à Milon dans des circonstances légendaires, prisonnier donc d'un chêne qu'il aurait essayé de fondre. Et c'est pendant qu'une bête sauvage le dévorait, d'autre part. Une meute de bête sauvage, probablement une meute de loup, en tout cas c'est ce que certains textes suggèrent, ce qui d'ailleurs n'est pas absurde historiquement, puisque les forêts de Crotoniatide, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, sont des forêts dans lesquelles on trouvait des loups. Je vois que vous reproduisez dans votre livre une publicité de 1934 pour la boisson Milo, qui a été publiée dans le journal médical d'Australie. Milo, fortified tonic food, c'est-à-dire une nourriture tonique qui fortifie. Oui, le nom donc de la nourriture a été emprunté à Milon. C'est une boisson donc de l'effort, une boisson cacaotée destinée principalement aux enfants, qui est née en Australie en 1934. Alors elle a été commercialisée en France, donc la plupart d'entre nous on l'a oubliée, mais moi quand j'étais petit garçon j'en ai bu au début des années 80. C'est une boisson qui n'est plus aujourd'hui commercialisée en France, mais qui est commercialisée dans énormément de pays dans le monde. Donc il est toujours vivant, Milon de Crotone, et pas seulement à cause de votre ouvrage qui lui donne un lustre évidemment tout neuf. Alors il est passé un petit peu de mode depuis les années 20-30 du 20e siècle. Je suppose qu'il y a d'autres personnages, soit tragiques, soit héroïques, soit athlétiques, qui sont venus le remplacer. Mais oui, il est toujours vivant d'une certaine manière. Il est toujours d'actualité puisqu'il incarne un certain nombre de valeurs dont on se sent les héritiers. Votre livre consacré à ce personnage considérable, à tous égards, a été publié tout récemment aux presses universitaires de France, Jean-Manuel Roubineau. Et puis vous avez également donné un ouvrage chez le même éditeur, qui est plus large d'inspiration et de préoccupation, qui s'appelle « Les cités grecques, 6e, 2e siècle avant Jésus-Christ, essai d'histoire sociale ». Je voudrais aussi rendre hommage à un livre de Wolfgang Decker et Jean-Paul Tuillier, « Le sport dans l'Antiquité, Égypte, Grèce et Rome », publié chez Picard en 2004. Jean-Paul Tuillier est un grand spécialiste du sport dans l'Antiquité, notamment à Rome. Oui, dans le monde romain et même dans le monde étrusque. Mais c'est aussi d'ailleurs un excellent connaisseur de l'histoire du sport grec. Je l'avais invité, j'ose à peine le dire, en l'an 2000. Vous pourrez bien sûr, comme durant la saison précédente, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète sur notre site, le site de Concordance des Temps, avec les documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission pour prolonger dans l'éternité la gloire de Milon de Crotone. Samedi prochain, nous parlerons de ce qu'on peut appeler la destruction de la mémoire de l'autre comme arme de guerre, la destruction du patrimoine de l'autre. Nous en constatons bien des aspects aujourd'hui. Là encore, on peut remonter à l'Antiquité. J'inviterai pour en parler Maurice Sartre. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par l'équipe que je retrouve avec bonheur, Jeanne Guéroux, Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Édouard Rubinstein, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Sandra Escamez pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.